Expliquez-nous ce que sont des jeux de plateau et des jeux de rôle. Alors les jeux de plateau, tout simplement, on les connaît plutôt sous le nom de jeux de société. C'est un jeu où y a un plateau, parfois des dés, parfois des cartes, et en gros, il y a un objectif, et puis le but, c'est d'atteindre cet objectif. Et en ce qui concerne les jeux de rôle ? Alors les jeux de rôle, vous devez incarner un personnage, donc c'est un peu plus immersif, c'est proche du théâtre d'improvisation. Vous avez une feuille de personnage, des caractéristiques, vous avez aussi des dés, vous avez un narrateur qui vous raconte une histoire, et vous incarnez les personnages qui interagissent avec cette histoire, avec les personnages secondaires, avec le milieu. Donc c'est un jeu qui appelle la mise en scène en quelque sorte. Alors présentez-nous un petit peu cette coin. La coin, c'est une convention donc, de jeux en tout genre, donc du jeu de plateau, du jeu de rôle, du jeu vidéo, du grandeur nature, des jeux géants aussi cette année. Voilà, enfin, énormément de jeux, des jeux indépendants aussi. Et on va essayer de faire ça donc sur le campus, donc et sur l'île 1 et sur l'île 3. Et le but, voilà, c'est de cumuler le plus grand nombre de jeux possibles au même endroit et de tous s'amuser tous ensemble. Alors, c'est votre troisième édition de la convention inoubliable. Est-ce qu'il y a un thème pour cette édition ? Alors oui, l'année dernière c'était la parade des monstres et cette année le thème est pirate au pluriel, donc le pirate sous son acception la plus large, les pirates classiques des océans, les corsaires, etc. Ça inclut aussi les pirates des airs, pirates de l'espace, les pirates informatiques, bref, tout ce que le thème peut évoquer pour vous. C'est un thème qui se retrouvera dans les animations massivement, dans la décoration. Bien sûr, c'est un thème qui n'est pas obligatoire mais qui peut être pris dans les jeux de rôle eux-mêmes. Il y aura énormément de conférences, d'ateliers sur ce thème-là cette année. Alors le thème est donc la piraterie en tout genre. Est-ce que l'on peut venir déguiser à cette convention ? Oui, on peut venir déguiser, c'est même chaudement recommandé, n'hésitez pas. Ils sont toujours ravis, alors que ce soit au kino ou à la convention, de voir des gens massivement déguisés. Sur le thème pirate ou non, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, sachant que le samedi après-midi, il y a un concours de cosplay qui est organisé, avec une mention du coup spéciale pour les costumes pirates, mais ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous inscrire à ce concours via Facebook, l'événement est créé. Donc voilà, l'inscription est quand même obligatoire par avance. Mais même en dehors de ce concours, bien sûr, vous pouvez venir déguiser autant que vous voulez, alors sur le thème pirate, zombie, Halloween, etc. Faites-vous plaisir. Alors concrètement, lorsqu'on arrive dans les locaux de l'île 3 ou de l'île 1, comment cela se passe ? Si par exemple, nous ne sommes pas initiés à la taverne oubliée et à D à la carte. La convention se situe en deux parties. Donc d'abord, le 29 octobre, c'est sur l'île 1. Donc, là, on rentre dans la soirée, il y a des décos, il y a des gens pour nous accueillir, il y a plein de jeux partout. En parallèle, il y a le Left 4 Dead. À partir du 30 octobre, c'est sur l'île 3. Donc on arrive dans le bâtiment C. C'est indiqué partout, avec des flèches, etc. Avec des petits canards à suivre, c'est assez ludique. Et donc on arrive là, on se fait accueillir par des bénévoles qui nous disent « voilà, il y a ça, il y a ça ». Ils nous disent aussi qu'il y a une application à installer sur notre smartphone, si on veut, à chaque coin, en fait, à chaque recoin du coin. Les bénévoles sont là pour justement nous accueillir et puis nous aider à comprendre les règles, etc. Alors une petite chose aussi à savoir, c'est que c'est un événement gratuit et ouvert à tous, c'est bien cela ? Comme l'année dernière, comme l'année d'avant, encore une fois. L'événement est gratuit, ouvert à tous. C'est pas que pour les étudiants, justement, on a pas mal d'animations qui sont là aussi pour les familles, les familles avec des enfants, etc. On a cette année créé un coin lecture. En continu, il y aura le jeu de plateau, jeux vidéo et jeux de rôle. Alors, jeu de plateau, vous aurez de tout, des jeux rapides, des jeux longs, des jeux géants, comme Rémi l'a évoqué. Jeux vidéo, il y aura des LAN, il y aura des bornes d'arcade, il y aura un DDR, donc il y aura des jeux de combat énormément, avec des tournois organisés. Alors il y aura aussi du combat de grandeur nature, de trollball, d'armes, etc. Donc c'est l'association des Renards d'Airain qui viendra animer ça essentiellement en après-midi, vendredi et samedi. Planning d'activités ponctuelles, donc il y aura une programmation cinématographique de prévu, il y aura des conférences et des ateliers. Au-delà des invités du public, vous avez aussi des invités des artistes, il me semble. Il y aura des stands tenus par des auteurs-éditeurs partenaires, donc il y aura des créateurs, des éditeurs de jeux de rôle. Par exemple, il y aura Jérôme Barthas qui est auteur du jeu de rôle Cristal. Il y aura un stand pour les écuries d'Ogias. Il y aura le Grog, donc l'encyclopédie du jeu de rôle qui sera représenté ici. Il y aura des créateurs de jeux de plateau également, comme Cyril Leroy, l'auteur-créateur du jeu Sapiens. Des associations qui seront là pour présenter leurs activités, donc Opal Rollist par exemple pour le jeu de rôle, etc. Donc tous ces gens-là tiendront stand toute la journée. Ceux qui ont des choses à vendre pourront le faire à prix spécial pour la convention. Ils pourront vous accueillir, vous présenter leur dernière création, c'est tout l'intérêt, et faire des tests aussi. Vous montrer, vous faire tester de nouveaux jeux de rôle, de nouveaux jeux de plateau. Est-ce qu'il y a une activité en particulier qui vous porte à cœur ? Moi, si je peux parler donc du Left 4 Dead, Donc le 29 octobre, ça commencera à 17h. En gros, c'est 4 survivants qui sont dans un monde apocalyptique, rempli de zombies. En fait, leur but, c'est de survivre. Pourquoi ils ne seraient pas 50 survivants qui essayent de survivre contre 70 zombies? Donc voilà, c'est 120 joueurs qui, en fait, sont dans chacun des camps différents. Ils doivent se combattre. Donc les survivants, ils ont des armes en latex. Les zombies, ils ont que leurs mains. Et en fait, ben voilà, et au fur et à mesure du jeu, il y a le scénario qui va avancer. Ils vont avoir de plus en plus de possibilités. Les zombies vont évoluer. Les humains, ils vont avoir de plus en plus d'armes. Ils vont essayer de retrouver la radio, etc. Il y a pas mal d'objectifs. Et puis à la fin, donc, on va voir le dénouement final, comment ça va se passer, mais ça risque d'être très intéressant. Quoi. Oui, alors bah, un mot dont je serais le plus fier en l'occurrence pour la convention, c'est sa gratuité, parce que c'est, je pense, l'une des très rares conventions, celle dont j'ai connaissance, qui est entièrement gratuite. Donc c'est gratuit pour les activités, le Left 4 Dead est gratuit, et en particulier cette année, donc je suis assez content d'annoncer que la programmation cinématographique elle-même sera gratuite pour tous les visiteurs de la convention, munis d'un bracelet. Donc cette année, ce sera le vendredi à 17h30, donc en partenariat avec le Kinociné, qui est un cinéma d'art et d'essai ancré sur le campus de Lille 3, et qui nous fait le plaisir de rediffuser, du coup, sur le thème pirate, les Goonies, le fameux film Les Goonies de 1985, en VF, et donc gratuitement sur grand écran, pour un petit instant nostalgique, comme nous l'avons appelé. Il y aura combien de bénévoles pour accompagner, diriger, je vais dire, le public ? Alors, on aura en tout une cinquantaine de bénévoles qui travaillent en amont déjà sur différents points de la convention, soit l'organisation du planning, du Left 4 Dead, de la restauration. Sur place, ils seront là aussi pour guider les visiteurs. Est-ce qu'il y a aussi d'autres coins, je vais dire, pour, histoire de faire des pauses ? Comme chaque année, il y a une salle de repos qui est prévue, vers temps continu aussi. Donc pour ceux qui voudraient rester voilà, du vendredi matin au dimanche midi, ils peuvent, il y a de quoi dormir, il faut juste ramener voilà, son duvet, son matelas gonflable. La restauration, nous avons un traiteur partenaire qui vend à prix très, très attractif, des repas aussi que nous tiendrons nous-mêmes le stand à ses côtés en continu. Donc vous aurez des repas chauds assez copieux, boissons, etc. Donc ça c'est aussi en continu, jour et nuit, vous pourrez passer, il n'y a pas d'ouverture à respecter. Que chacun puisse librement faire son planning, son activité. Vous avez votre bracelet, vous allez comme vous voulez. Est-ce que l'université de Lille 3 et celle de Lille 1 sont heureuses et même fières que des associations étudiantes réussissent à faire un événement de cette ampleur ? Oui, bien sûr. C'est, déjà, ça peut se ressentir dans le fait qu'ils financent en fait, la totalité de la convention. C'est grâce à eux qu'on peut la faire, c'est eux qui nous donnent les locaux. Donc c'est l'université de Lille 1 et l'université de Lille 3 qui ensemble justement nous donnent tout ce budget pour réussir une nouvelle fois la convention inoubliable. Alors si je vous demandais de nous donner un mot pour définir ce qu'est la convention inoubliable. Je dirais que du côté des organisateurs, on essaye de tout mettre sur la notion de partage tout simplement, de convivialité surtout. Je pense que c'est peut-être le mot qui représente le plus la convention. C'est réunir des gens d'horizons extrêmement divers, étudiants qui n'auraient pas forcément eu vocation à se rencontrer, membres du personnel des universités, parents des quartiers riverains, etc. Et voilà, de leur donner un instant de convivialité où tous peuvent se rencontrer, échanger, faire de nouvelles découvertes. Bah pour moi, ça serait avant tout le fun, quoi. Parce que voilà, c'est une convention où à chaque salle, il y a un nouveau type de jeu, il y a du jeu partout, on s'amuse. Enfin, même dans les couloirs, ça court parce qu'il y a des jeux aussi dans les couloirs, il y a un spaceship. Enfin, il y a plein de jeux comme ça qui créent une sorte de d'aura ludique autour de nous et ben voilà, ça nous rend vraiment heureux et du coup c'est fun quoi. Alors à cet événement gratuit et vivant, je pense aussi que c'est peut-être un des mots les plus importants, dire que cette convention est vraiment vivante et très intéressante. Est-ce que vous avez des partenaires lors de cette convention ? Alors oui, il y a différents niveaux de partenariat. Bon, d'abord, il y a nos partenaires financiers que Rémi a évoqué, donc Lille 1 et Lille 3 qui financent cet événement. Il y a le Crous aussi, grâce à qui on a pu faire l'événement cinématographique gratuit. Donc là, il y a aussi le Kino Ciné qui est partenaire. On a un certain nombre d'associations, donc j'ai mentionné Opal Rollist qui viennent animer du jeu de rôle. Il y a les Renards des Reins qui viennent animer Le Grandeur Nature, qui est une association du coup de Seine-et-Marne. Donc ça sont des associations, des partenaires qui participent à l'événement, il y a les financiers, il y a ceux qui donnent des lots aussi parce qu'on fait une grande tombola le samedi soir qui marche avec les bracelets que vous avez reçus. Il y a des partenaires qui donnent des lots, alors il y a par exemple Gigamic, éditeur de jeux de plateau. Vous avez par exemple les éditions Sans Détour, les 12 singes, etc., qui ont donné des accessoires de jeux de rôle, par exemple, qui font partie des lots qu'on peut recevoir. Et donc ça, ce sont vraiment les partenaires on va dire logistiques, matériels. Et il y a les auteurs-éditeurs invités qui sont présents sur place. Voilà, si je peux rajouter, donc, dans les associations qui vont venir sur l'événement pour aider en tant que bénévole, il y a Salty Arena qui s'occupe de la partie console, donc console rétro et console un peu plus récente, et eux qui s'occupent des tournois, qui vont aussi faire un blind test sur les jeux vidéo, enfin sur les musiques de jeux vidéo. Il y a l'AUI, l'association des étudiants en informatique, qui fournissent la LAN. Dans les lots, il y a aussi Rocambole, qui est notre partenaire, donc qui va nous donner des jeux de plateau, en fait, tout simplement, en tant que lot. Oui, du coup, pour une liste plus exhaustive, il y a notre site Convention Inoubliable qui recense un peu tous les membres présents, tous ceux qui participent. Ce sera visible aussi sur les affiches et flyers avec leur logo. Et nous-mêmes, du coup, le samedi soir, à l'occasion de Tombola, on rappelle un peu tous les participants, tous les partenaires, et on les remercie chaleureusement, on fait un pot pour eux. Donc voilà, c'est l'occasion de voir un peu, d'avoir une visibilité sur tous les participants à tous les niveaux de la convention. Alors, vous parlez justement de visibilité, quels sont les contacts où l'on peut retrouver toutes les actualités de la convention inoubliable et aussi indépendamment de Dé à la carte et de la taverne oubliée? Alors, pour la taverne oubliée, nous avons notre site, donc taverne oubliée, vous trouvez ça tout de suite .fr, vous trouvez ça sur Google sans problème. C'est un forum qui centralise toutes nos activités. Donc, on fait énormément de jeux de plateau la semaine sur le campus de l'île 3 et du jeu de rôle chez l'habitant, essentiellement, avec un planning d'animation aussi ponctuel. Nous avons aussi une page Facebook pour voir tout ça un peu plus, voir les grosses actualités. La convention elle-même a une page Facebook, donc pareil, qui centralise vraiment les activités du planning. Un groupe Facebook pour la discussion, pour que les gens puissent échanger, faire des retours. Nous avons donc un Twitter aussi cette année, on investit là-dedans. Donc pour se tenir informé des actualités, il y a une application dont Rémi parlait tout à l'heure qui permet, qui est téléchargeable gratuitement, qui est en open source, etc. Et qui vous permet d'avoir, de mettre des annonces sur le planning, les dernières actualités. Pour Dés à la carte, on est surtout présent sur Facebook. Donc on a une page Facebook qui s'appelle Dés à la carte. Voilà. Et on a un groupe Facebook qui s'appelle Les Amis de Dés à la carte. Juste pour rappel, donc, si vous voulez vous inscrire par exemple au Left 4 Dead, il faut le faire donc, sur l'événement Facebook. Il y aura le lien par exemple pour s'inscrire au Left 4 Dead. Il y a pas mal d'informations comme ça qui sont un peu cruciales. Si on veut avoir toutes les activités possibles pour la convention inoubliable, il faut bien aller regarder soit sur le site, soit sur le Facebook, au moins un des deux, pour vraiment être sûr de pouvoir faire toutes les animations. Et bien, je pense que nous avons fait le tour. Merci beaucoup Thomas Jonas, porteur du projet pour la Taverne Oubliée, donc association de jeux plateau jeux de rôle de l'Université Lille 3. Et merci à vous Rémi Boquet, représentant de Dé à la carte, association là aussi de jeux plateau jeux de rôle, mais de l'Université Lille 1. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci.